vie, c'est sortir de la cage. Pour se risquer dans l'infini. Ne plus jamais courber les chines. Rester droit debout dans sa vie. Retrousser les babines et mordre la main du mépris. Ni Dieu, ni maître, ni rien de tel. Bien garder son destin en main. Sa vie attire d'elle. Plutôt maintenant que demain. Malheur à qui serait trop sage. À l'abri de toute folie. C'est sortir de la cage pour se risquer dans l'infini. Choisir de se rester fidèle, pétrir sa vie comme un bon pain. Malaxant l'énergie rebelle avec plein d'amour pour le vin. Ne suivre que sa propre route. Toujours avancer droit devant. Malgré le vent, malgré le doute. Malgré tout ce qui fait écran.